La gestion du temps. Un jour, un expert en matière de gestion du temps s'adressa à un groupe d'étudiants d'affaires. Et pour démontrer un point, il employa une illustration que ses étudiants n'oublieront jamais. Pendant qu'il se tenait devant ce groupe d'étudiants, il dit « Très bien, prenons le temps pour faire un petit quiz. » Alors, il retira un grand seau et le plaça sur la table devant lui. Il produisit environ une douzaine de grandes pierres et les plaça soigneusement, une par une, dans la fiole. Quand la fiole fut remplie jusqu'au bord et plus de roches ne pouvaient rentrer à l'intérieur, il demanda « Est-ce que cette fiole est complètement pleine ?» Chacun dans la classe indiqua « Oui ». Alors il dit « Vraiment ?» Sous la table, il retira un seau de gravier. Alors il vida du gravier dedans et secoua la fiole de sorte que des morceaux de gravier se précipitèrent vers le bas dans l'espace entre les grandes roches. Alors il demanda au groupe une fois de plus « Est-ce que la fiole est complètement pleine ?» Maintenant la classe avait compris. « Probablement pas !» répondit l'un d'eux. « Bon !» s'exclama-t-il. Il tenait le bras sous la table et retira un seau de sable. Il commença à vider le sable qui s'immissa dans tous les espaces disponibles entre les pierres et le gravier. Une fois de plus, il posa la question. « Est-ce que cette fiole est complètement pleine ?»« Non !» La classe cria. À quoi il répondit « Bon !» Il saisit alors un pichet d'eau qu'il entreprit de verser jusqu'à ce que la fiole fût remplie jusqu'au bord. Alors il demanda à la classe où est l'intérêt de cette illustration. Une personne leva sa main et dit « Il s'agit de réaliser que même si notre carnet de rendez-vous est très rempli, si on essaye vraiment avec toutes ses forces, on arrivera toujours à trouver de la place pour quelque chose d'autre. » « Non, » répondit l'orateur, « ce n'est pas ce point. La vérité de cette illustration nous apprend que si vous ne mettez pas les grandes pierres dedans d'abord, vous ne pourrez jamais les mettre toutes dedans. » Quelles sont les grandes pierres dans la vie, dans votre vie? Vos enfants? Ce que vous aimez? Votre éducation? Vos rêves, une cause noble, enseigner ou aider les autres, faire les choses que vous aimez, du temps pour vous-même, votre santé, votre partenaire. Rappelez-vous de mettre ces grandes pierres d'abord, sinon vous ne pourrez jamais les mettre toutes dedans. Si vous passez tout votre temps avec les petites choses, le gravier, le sable, alors vous remplirez votre vie de petites choses qui vous inquiètent et qui ne sont pas vraiment importantes, et vous n'aurez jamais les moments réels de qualité dont vous aurez besoin pour les grandes choses importantes, les grandes pierres. Alors ce soir ou demain matin, quand vous méditerez sur cette petite histoire, posez-vous la question. Quelles sont les grandes pierres dans ma vie? Et mettez d'abord celles-là dans votre fiole.